Beppe. J'ai pas vu le batteur. Allez, Karma. Solo de batterie. Drum, Mister Donato. J'ai tout pété les gars. Sa mère, j'ai tout pété, bordel. Ah, j'ai tout niqué l'ordinateur. Saloperie d'ordinateur.